Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, nous avons comme alternative la gondole et le vaporetto. Ou alors tout simplement nos pieds. Venise est une ville de canaux où le piéton se régale à force de se perdre dans les ruelles. Nous essaierons de comprendre l'invention d'une ville pour la voir ensuite triomphante. Nous allons peut-être observer la mort lente de Torcello, petite île au nord de la lagune. Puis nous allons nous promener dans le quartier de San Marco à l'Arsenal ou sur le Lido pour nous plonger ensuite dans ces espaces qui se noient dans le temps à la rencontre des pouvoirs et de la société de Venise à la fin du Moyen-Âge. Nous allons croiser Dante et Giotto et sans doute Agnese, Béatrice, Parisina, trois femmes décapitées dans l'Italie de la Renaissance. Ce voyage est un mystère comme celui des rois de Jérusalem. Un mystère qui surgit des eaux salées pour devenir un miracle de pierre. Aujourd'hui, notre guide dans Venise, dans la Venise médiévale, en est l'une des meilleures spécialistes, Elisabeth Crouzet-Pavan, qui va pouvoir combler nos lagunes. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est la fête. C'est la fête avec des grandes figures de l'histoire, des historiens, des historiennes, pour nous causer entre le sapin et la dinde, Edgar Morin, Anne Lafont et aujourd'hui Elisabeth Crouzet-Pavan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne médiéviste, spécialiste de l'histoire de Venise, professeure à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de plein d'ouvrages, il faut le dire. Hein. Le Moyen-Âge de Venise, des eaux salées au miracle de pierre, chez Albin Michel, ou aussi d'un autre ouvrage, Décapité, trois femmes dans l'Italie de la Renaissance, toujours chez Albin Michel, quand on est dans une maison et qu'on y est bien, on y reste. Dites-nous, Elisabeth Crouzet-Pavan, Venise, c'est vous, c'est votre objet d'étude. Comment on arrive à Venise quand on commence ses études? Parce qu'il peut y avoir deux choses. Le sujet nous passionne, il est intéressant. Le sujet mérite d'être travaillé parce qu'il n'est pas encore assez étudié, ou peut-être un peu les deux. Les deux, et dans mon cas, une raison sans doute beaucoup plus personnelle. Je suis désolée de livrer une sorte d'anecdote, mais mon père était vénitien. J'ai découvert Venise quand j'étais adolescente. Et sans originalité, je ne dois pas être la seule. Cette ville a exercé sur moi une sorte de fascination. Et puis, aller à la rencontre de Venise, cet objet historique, je pense que c'était aussi aller à la rencontre de tous ces morts qui vivaient en moi. Ah, c'est très beau ce que vous venez de dire, Elisabeth. C'est Sandor Mahai, hein, c'est pas moi, les morts qui vivent en moi, oui. Mais c'est beau de l'évoquer. Vous évoquez votre père, vénitien, vous ne dites pas italien, vous dites vénitien. Il avait cette forte identité vénitienne. Oui, parce qu'il est arrivé en France entre les deux guerres. Donc, il a fait partie de cette génération violemment antifasciste. Et dans son cas, plus encore antifasciste, parce qu'il avait été, en fait, naturalisé français à la fin des années 30. Et il a, comme beaucoup d'Italiens ou d'Italiens devenus français, été obligé de repartir, mis dans un train pour repartir vers l'Italie en guerre. Et il en avait gardé évidemment un souvenir plus qu'amer. Donc il se définissait vraiment comme vénitien, non comme italien. D'ailleurs, il prétendait ne pas savoir parler italien. Et la seule langue qu'il parlait, même à Naples ou à Rome, c'était le vénitien. J'aime bien que vous souligniez tout ça parce que l'historien, l'historienne est détaché en soi de son objet d'étude parce que l'émotion est une chose, mais dans la rigueur historique, il faut savoir différencier. Et puis en vérité, non, parce que nous sommes toujours très attachés à notre objet d'étude. Et en vous écoutant, Elisabeth Crouzet-Pavan, en vous intéressant à Venise, c'est vrai qu'il y a une attache familiale. Ça va peut-être nous aider à comprendre votre cheminement qui va nous conduire entre le réel et l'imaginaire, qui souvent se rejoignent, entre l'institution et le vécu, mais là encore, qui souvent se rejoignent dans le cours de l'histoire sur France Culture. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quien, qui assure la programmation du cours de l'histoire, Anaïs Quien, avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, André Suarez, poète, écrivain, auteur en 1932 du Voyage du Condottiere. Donc Suarez nous parle de Venise, il nous en parle en fait dans une lecture des heures vénitiennes, c'est le titre de l'émission sur France Culture en 1969. Ni Venise matinale d'argent et de myosotis, ni le soir de sang et d'or rouge, ni le soleil levant sur la Salute, quand ce palais de la Vierge a l'air d'une perle sur un cristal de lait, ni le soleil couchant sur la rive des Esclavons, quand le palais ducal s'allume en lanterne à tribord d'une galère de carmin. Ici et là, Venise glorieuse n'est point encore sans pareil dans la gloire de la lumière. Mais une église est la chasse de son triomphe, l'écrin de la sirène. Il est un vaisseau où toute sa splendeur est captive. L'Orient et le soleil du crépuscule sur la lagune, ils l'ont enfermé dans une basilique ronde où le Seigneur est sur l'autel et la dédicace au voyageur Saint-Marc. L'or, le dieu temporel à la solde des insulaires, ne les trahira plus. Il est à Saint-Marc. Ils en ont fait le cœur magnifique de Venise. André Suarez qui nous parle de Venise en 1932, dites donc c'est drôlement beau. Venise est une ville qui a produit énormément d'images, je parle d'images mentales. Quand nous évoquons Venise, des choses viennent à notre esprit, que ce soit Saint-Marc, comme on l'entend ici, que ce soit les canaux, mais souvent c'est la Venise triomphante du titre d'un de vos livres, Elisabeth Crouzet-Pavant, cette Venise magnifique, celle de Canaletto. Le peintre, votre Venise à vous n'était pas celle-là en fait, c'est la Venise de la fin du Moyen-Âge. Quelle est cette Venise ? Oui, la Venise qui m'a intéressée, c'est vraiment la Venise en construction, la Venise en invention, parce que mon interrogation première a été vraiment de savoir comment cette ville avait pu être construite, comment une des plus grandes agglomérations de l'Occident médiéval était née dans un site particulièrement peu propice à l'installation humaine. Donc mon enquête a été de savoir comment 100 000 hommes et femmes avaient pu vivre, prospérer au milieu des eaux à la fin du Moyen-Âge. Et pourquoi ils sont arrivés là d'ailleurs ? Alors c'est au départ un site de refuge. Pas seulement, il y a toutes les recherches récentes ont montré qu'il y a très tôt, une population évidemment très réduite, mais d'hommes et de femmes qui vivent là parce qu'ils exploitent les quelques ressources, le sel, qu'il y a une sorte d'économie de l'eau très rudimentaire qui s'est mise en place. Mais tout de même, ce sont les mouvements de population du Haut Moyen-Âge, les invasions et particulièrement le grand mouvement de population des Lombards qui expliquent que les populations s'installent de manière plus importante dans le bassin des lagunes. Donc c'est vraiment un site de refuge. C'est un site de refuge, mais qui n'est pas appelé à devenir ce qu'est Venise, c'est-à-dire une ville incontournable, une véritable puissance. Comment se fait cette bascule qui explique que Venise est incontournable en fait dans l'histoire médiévale, mais au-delà encore, parce que là il faut dépasser le découpage traditionnel? Je pense que, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et l'extrait qui vient d'être lu l'évoquait en citant l'Orient, en citant Byzance, ce qu'il faut comprendre, c'est que Venise, ou du moins le bassin lagunaire, a été très tôt une des rares portes d'entrée encore qui demeurait entre la Méditerranée orientale et l'Occident. D'où une relative activité commerciale très tôt au milieu de ces eaux et une croissance démographique et économique qui est tout de même extrêmement rapide et extrêmement précoce. Le commerce, on entend ce mot de commerce et puis Venise est une ville liée à la mer, intimement liée à la mer, qui veut dire le déplacement aussi. Le déplacement, c'est le contact, ce sont les échanges, c'est cet ensemble en fait qui explique le dynamisme de Venise. Commerce, échange, c'est par là qu'il faut passer. C'est-à-dire que Venise, c'est le carrefour, en fait, de la Méditerranée. Oui, c'était vraiment un des grands ports de la Méditerranée, et ce, très tôt. Et par là même, il y a aussi une croissance démographique, hein, c'est-à-dire que, évidemment, que c'est une ville qui va attirer tout au long de son histoire, et même à l'époque moderne, que l'on décrit souvent comme un temps de relative décadence de la ville, qui va toujours attirer des populations venues soit de l'arrière-pays montagneux, du Frioul, de la plaine du Pô, mais des populations beaucoup plus lointaines. Et ça, dès le Moyen-Âge, on voit très bien arriver justement les Esclavons, les Dalmates, on voit arriver les Grecs, on voit arriver les Albanais, comme on voit arriver de l'autre côté des Alpes, tous ceux qui viennent de l'Empire. Donc de partout, les gens arrivent à Venise, mais de Venise, on peut partir pour aller explorer l'ailleurs. C'est le cas de Marco Polo. L'écrivain Jean Lartegui expliquait pourquoi en 1984, au moment où il fait paraître son livre Marco Polo, espion à Venise, pourquoi Marco Polo l'a séduit. Le personnage m'a séduit parce que c'est un personnage d'abord discret. Autant il parle abondamment des autres, autant il ne parle jamais de lui. On ne sait rien de Marco Polo, on sait simplement qu'il est né en 1254 d'une famille vénitienne de commerçants travaillant en Orient. Il est mort en 1323 ou 24, on ne le sait pas très bien, et de lui à peu près rien. Sinon qu'on l'avait surnommé Il Milione. L'homme qui était millionnaire à la fois en ducat et en mensonge, car personne ne pouvait croire à ce qu'il racontait, c'est d'ailleurs une bonne chose pour lui. Car si à ce moment-là l'Inquisition s'était inquiétée de ce qu'il racontait, il était bon pour être brûlé. Donc, être pris pour un menteur quand on dit la vérité peut être une sécurité. Et c'est cette espèce d'ambiguïté de ce personnage extrêmement fin, avec des clins d'œil, des moments d'humour, avec une santé, une vitalité étonnante qui m'a séduit. Jean Lartegui évoque Marco Polo en disant que c'est un millionnaire, millionnaire en ducat et en mensonge. Elisabeth Crouzet-Pavant, Venise se construit aussi sur de l'imaginaire. Il y a ces mythes autour de Venise qui sont essentiels pour comprendre le développement de la ville. Alors peut-être pas son développement commercial, mais pour l'imaginaire qu'elle porte envers tous les contemporains et jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a eu des sortes d'images successives de Venise qui ont rayonné. Je crois le premier mythe qui fonctionne à l'usage de la communauté, c'est celui de la ville aimée de Dieu. Je crois que là se noue vraiment le mystère de l'existence vénitienne. C'est donc ville construite au milieu des eaux, construite sur les eaux salées. Et pour les Vénitiens, il y avait là la preuve que Dieu, et je cite un texte du Sénat du XVe siècle, Dieu avait posé sur la ville sa main bienveillante. Donc là est le premier mythe en quelque sorte de Venise. Mais la ville diffuse aussi, plutôt cette fois-ci à l'usage des autres, des images successives, des mythes qui ont une sorte d'énergie qui dure pour certains d'entre eux très tardivement jusqu'au XVIIe siècle. Alors un des mythes qui est actif plutôt au long du Moyen-Âge, c'est celui de la ville sereine, c'est-à-dire de la ville qui ne connaît pas les troubles civils, alors que toutes les autres villes d'Italie sont déchirées par des luttes politiques extrêmement violentes. Puis lui succède, et ce mythe va rayonner tout au long de l'époque moderne, le mythe de la République qui dure avec des institutions tellement équilibrées que la durée de cette ville, de cette République, dépasse celle d'Athènes, de Sparte, etc. Et il y a là vraiment un aliment pour toute la réflexion politique dans l'Europe moderne. Donc c'est une ville qui a toujours fabriqué des images d'elle-même qui sont comme le moteur même de son existence, mais qui fournissent aussi à la communauté l'explication de son existence. Elisabeth Crouzet-Pavant, dans votre travail sur Venise, vous ne pouvez pas écarter les autres villes, et vous ne le faites pas parce qu'on peut comprendre les particularités d'une ville seulement en regardant ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui différencie Venise des autres exemples de ces immenses cités que nous avons en Italie sur cette période de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance? En quoi Venise est vraiment originale? Venise est originale parce que Venise naît byzantine. Et par là même, ses institutions diffèrent peut-être pas radicalement, mais diffère de manière sensible de celle du reste de l'Italie du Nord et du Centre. Et le cours de l'histoire de Venise est tout de même marqué par ses liens premiers avec Byzance. Il faut tout de même aussi rappeler qu'une partie de la prospérité vénitienne s'explique parce que l'Empire byzantin a consenti aux Vénitiens des privilèges douaniers tout à fait extravagants qui permettent à Venise, au départ tout de même, de justement de dépasser en puissance Gênes ou Pise, qui sont ses concurrentes directes. Venise est une ville guerrière, une ville prédatrice. Elle s'impose par la puissance de sa flotte, par l'arrogance et la prédation de ses marchands. C'est une ville qui conquiert aussi un empire. C'est une ville dominante. C'est une ville dominante, et d'ailleurs, Elisabeth Crouzet-Pavant, je vous propose d'écouter les actualités. Alors, les actualités du 15e siècle, vous allez voir, c'était la troisième chaîne de la télévision française qui, en 1982, avait décidé de raconter l'histoire sous forme d'actualité. Vous allez voir, ça s'intitulait « Le passé en direct ». Nous allons écouter ce qui se passait en 1477. Venise est en guerre depuis bientôt 15 ans avec les Turcs, c'est sûr. Mais c'est une guerre qui n'empêche pas les Vénitiens d'entretenir des relations commerciales et culturelles avec les musulmans. Car à Venise, on est d'abord marchand, ensuite seulement chrétien. Cela explique les nombreuses ambassades vénitiennes auprès du sultan. Un sultan, grand amateur d'art occidental, qui a demandé au Sénat vénitien de lui envoyer des peintres. C'est pourquoi le conseil de la Sérénissime République a accepté d'envoyer le peintre Gentile Bellini à la cour du Grand Turc, dont beaucoup, beaucoup de voyageurs vantent déjà les splendeurs et les raffinements inouïs. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à l'histoire de Venise, Venise médiévale, avec vous, Elisabeth Crouzet-Pavant, mais nous nous intéressons aussi à votre démarche d'historienne sur cet objet d'étude sublime qu'est Venise. Donc là, nous venons d'entendre les actualités du 15e siècle, qui est très particulier, mais malgré tout, il y a plein d'éléments. Nous avons entendu l'aspect marchand, l'aspect guerrier. Il y a aussi pour Venise l'art qui est essentiel. Oui, davantage peut-être à l'époque moderne, même si là on voit Bellini partir pour faire le portrait du sultan. Je dis davantage peut-être à l'époque moderne. Bien sûr, Venise est une ville qui se transforme architecturalement au XVe siècle, mais qui a une série de très grands peintres. Mais malgré tout, la ville qui mène une vraie politique culturelle à la Renaissance, l'homme qui a une sorte de diplomatie en envoyant des peintres, en envoyant des architectes, c'est Laurent le Magnifique. Tout de même, Venise a cette particularité, par exemple, de demeurer une ville gothique au XVe siècle. Donc, je crois que dans l'imaginaire italien des princes de la Renaissance, Florence occupait sans nul doute une place supérieure à celle de Venise. Elisabeth Crouzet-Pavant, votre ouvrage, un de vos ouvrages, s'intitule « Le Moyen-Âge de Venise, des eaux salées ». On peut comprendre, la lagune, au miracle de pierre. Quel est ce miracle de pierre, en fait? C'est d'avoir voulu, par la pierre, montrer la puissance d'une ville? Oui, sans aucun doute. L'expression miracle de pierre est de Pétrarque. C'est lui qui qualifie la ville ainsi, parce que bien sûr, dès la fin du Moyen-Âge, les contemporains étaient tout à fait sensibles à l'espèce de prouesse que constituait cette ville née au milieu des eaux. Et il y a de la communication politique, vraiment, du côté vénitien aussi, avec ils exploitent vraiment la beauté de leur vie. Il y a des actes publics, des délibérations du Sénat ou du Grand Conseil qui disent, voilà, la place Saint-Marc, c'est le plus beau spectacle de la ville, cela dès le XVe siècle. Les voyageurs abordent par cette rive et il faut que la ville, en quelque sorte, se découvre à eux dans sa splendeur. Il y a donc vraiment une opération de propagande qui passe par le décor vénitien. Elisabeth Crouzet-Pavant, nous parlons de la ville sous ses institutions, nous parlons de la ville par son architecture, mais une ville est habitée par des hommes, par des femmes. C'est d'ailleurs ça qui est essentiel pour les historiens et les historiennes, c'est d'étudier la chair, le vivant. Et nous allons écouter un visiteur de Venise qui a été ému par ceux qui habitent Venise, c'est Goethe. Eh oui, Goethe, dans son voyage en Italie de Vérone à Venise, un ouvrage qui a été publié au début du 19e siècle, en 1816. Goethe nous est lu ce matin par Camille André. Tout ce qui m'environne est imposant. C'est le grand et vénérable ouvrage des hommes unissant leurs forces, le magnifique monument, non pas d'un maître, mais d'un peuple. Et quoique ces lagunes insensiblement se remplissent, que des vapeurs malsaines flottent sur les marais, que son commerce diminue, que sa puissance se soit évanouie, tout l'établissement de la République et son caractère n'en sont pas un moment moins vénérables pour l'observateur. Elle succombe sous l'effort du temps, comme tout ce qui arrive à l'existence. Goethe, qui parle de Venise, qui nous est lu par Camille André. Dites-nous, Elisabeth Crouzet, avant, Goethe dit que tout cela n'est pas l'œuvre d'un maître, mais est l'œuvre d'un peuple. Ce peuple vénitien, il a quelque chose de particulier? J'ai presque envie déjà de vous demander, est-ce qu'il existe? Non, il n'existe pas, puisqu'il est, il était formé évidemment par une, au cours du temps, par des immigrés venus de partout. Mais ce qu'il y a de très vrai, c'est que cette ville est vraiment plus que n'importe quelle autre ville, une œuvre collective, certainement. Mais le texte de Goethe est très beau parce que il marque justement le moment où Venise commence à être perçue au XIXe siècle comme une ville en décadence, avec cette, la mort déjà qui menace, hein, les vapeurs malsaines qui montent des eaux, etc. Donc on voit bien, c'est le moment où l'image de Venise commence, et ça dure jusqu'au début du XXe siècle, à être une image qui commence à se, en quelque sorte, à se fissurer, qui renvoie à une mort certaine. Et Venise, au long du XIXe siècle, souvent attire moins les voyageurs, justement, que Florence ou d'autres villes. Hein. Cette mort que l'on sent poindre, la décadence qui est là, souvent effraie un peu les visiteurs. Elle effraie les visiteurs? Mais elle est essentielle. La décadence est là, elle est essentielle pour les artistes, et c'est vrai qu'une lecture romantique au XIXe siècle de Venise est extrêmement intéressante, et cette petite décadence nous conduit peut-être, étonnamment, mais bon, pas tant que ça, jusqu'à Charles Aznavour, que c'est triste Venise, mais attention, en italien. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno di là, e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Come triste Venezia, di sera alla luna, se si cerca una mano che non si trova più. Si fa dell'ironia, davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio gabbiano in volo che un giorno salutaste, due punti neri al suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non si ama più. Que c'est triste Venise par Charles Aznavour dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Valentin Azan-Zilinski. Mais non, c'est joyeux Venise dans le cours de l'histoire avec vous Elisabeth Crouzet-Pavant. Et nous cherchons à travers, en fait, j'ai presque envie de dire votre carrière Elisabeth Crouzet-Pavant, à comprendre Venise, à comprendre comment vous avez appréhendé cette ville. Vous êtes historienne, une ville comme Venise laisse énormément d'archives. Il y a beaucoup à défricher. Oui, toute l'Italie médiévale et renaissante a laissé beaucoup d'archives. Dans le cas vénitien, ces archives sont absolument considérables. Et je suis une historienne d'archives. Je crois que c'est devenu assez démodé. La semaine dernière, pendant une soutenance de thèse, un de mes collègues, parlant à la jeune fille qui soutenait sa thèse, a dit « Ah oui, avec votre directrice, il n'est pas étonnant que vous soyez une historienne d'archives. » Et j'ai senti que ce n'était pas vraiment un compliment. Mais alors, moi, j'assume, je suis une historienne d'archives. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans mon travail sur Venise, c'est justement cette découverte infinie des archives. Le fait que j'ai sans doute vu remuer des centaines de kilos d'archives, que j'ai ouvert des séries que personne n'avait ouvert depuis le 19e siècle, en particulier quand j'ai travaillé sur Torcello. Alors, Torcello, c'est une petite île hein, qui est dans la lagune. Oui, c'est ça, une île au nord de la lagune de Venise, qui aujourd'hui est une île désertée avec simplement la basilique, mais qui avait été au Moyen-Âge une communauté humaine assez importante. Donc, les archives constituent pour moi la joie de l'historien. Ah, j'imagine très bien, Elisabeth Crouzet-Pavant, pour l'avoir vécu aussi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire passer à la radio le bruit de l'archive, le bruit du papier, de la liasse qu'il faut ouvrir, l'odeur, c'est quelque chose d'essentiel. Ces archives vénitiennes sont nombreuses, elles sont faciles à exploiter parce que vous étudiez la période des derniers siècles, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. C'est dur à déchiffrer, hein, cette période-là. Oui, surtout les notaires, surtout les minutes des notaires, donc les espèces de brouillons des notaires, ne sont pas faciles. Mais bon, voilà, quand on entame un notaire, même en étant un assez bon paléographe, il faut à chaque fois plusieurs jours avant de pouvoir lire en fait en diagonale. Vous avez porté une grande attention, Elisabeth Crouzet-Pavant, mais c'est l'essentiel, à ceux qui construisent Venise, au vécu de Venise, aux gens de Venise. Vous avez réussi à les approcher ? Oui, justement, grâce à des archives tout à fait exceptionnelles, qui sont les archives des tribunaux civils, où sont conservées beaucoup de dépositions testimoniales. Donc, dans des affaires très, très banales, très modestes, des querelles pour un mur mitoyen, pour un saillant de cheminée. Il y a là des centaines de folios des milliers de folios qui ont été conservés et souvent donc s'exprime la parole des hommes, plus rarement des femmes bien sûr parce que les femmes déposent peu devant les tribunaux, mais la parole des hommes sur leur vie, sur leur espace, sur le temps, sur ce qui a changé. Et c'est extrêmement précieux, évidemment, pour un historien que d'entendre ces voix. C'est toujours émouvant, effectivement, que de rencontrer des gens qui ont vécu là et qui parlent de lieux, et pour vous, en étudiant Venise, Elisabeth Crouzet-Pavant, de lieux qui existent toujours. C'est-à-dire que vous pouvez voir certains bâtiments, et c'est vrai qu'il est facile, j'imagine, plus qu'ailleurs à Venise, d'être proche de ces gens parce que vous voyez leur espace vécu. Oui, et d'ailleurs, Travailler sur Venise, c'est bien sûr travailler dans les archives, mais c'est aussi marcher dans la ville. Marcher dans la ville pour s'approprier cet espace et comprendre aussi, avec ses pas, avec son propre corps dans l'espace, quels ont pu être les pas des hommes et des femmes du XVe siècle et les rapports que leur corps pouvait avoir eu avec l'espace du temps. Comment on approche ça, le rapport du corps avec l'espace? Et je crois en bougeant soi-même son corps dans cet espace, parce que ça m'avait beaucoup frappé justement dans les dépositions testimoniales, que le fait que très souvent leur appréhension se faisait par leur corps, en me penchant, disait-il, à la margelle d'un puits, en m'approchant d'un pont. Et il y a eu de ma part une sorte de tentative pour essayer de comprendre aussi vraiment très très matériellement, très très physiquement cette ville. Alors Elisabeth Crouzet-Pavant, vous avez ces archives, des archives notariales, vous avez comme archive une ville qui est vraiment une des plus belles archives possibles. Et puis vous bénéficiez aussi de textes, d'images, d'une littérature immense. Faut-il s'en départir ou faut-il se plonger dedans? Venise, mais on n'en finirait pas de citer les références. Tenez, nous allons faire un petit tour chez Shakespeare, Le Marchand de Venise, acte 4, scène 1. Ainsi, vous êtes instruit du différend que nous sommes appelés à trancher. Oui, je connais à fond la cause. Lequel est le marchand, lequel son adversaire? Voici Antonio et voici Shylock. Votre nom est Shylock? Shylock est mon nom. L'action que vous intentez est d'une étrange nature. Comment? Mais elle n'outrepasse point votre droit le plus strict et la loi de Venise ne peut vous empêcher de la poursuivre. C'est vous qui êtes à sa merci, n'est-ce pas? Oui. Vous reconnaissez pour valable la teneur du billet? Je la reconnais. Il faut donc que Shylock soit clément. Et en vertu de quelle obligation, s'il vous plaît? La clémence ne se commande pas. Elle descend sur l'être qui n'a plus d'autre recours. Comme une douce pluie du ciel sur la terre qui se mourait sans elle. Elle est deux fois bénie, car elle enrichit celui qui en dispense le don et celui qui le reçoit. Elle est la puissance des puissances. Elle est la vraie couronne des monarques. Elle est la tribu de Dieu même. Le Marchand de Venise de Shakespeare, donc nous sommes à la fin du XVIe siècle. Elisabeth Crouzet-Pavant, un de vos ouvrages s'intitule « Venise triomphante, les horizons d'un mythe ». Mais c'est vrai que ce mot revient sans cesse, ce mythe, mais ce mythe est forgé par tous ses auteurs, par Shakespeare. Comment l'historienne que vous êtes se départit de ce mythe pour arriver à comprendre la ville et les gens tels qu'ils étaient? Il y a eu tout un courant historiographique, surtout anglo-saxon, qui pendant plusieurs décennies a travaillé pour montrer que le mythe de Venise était un mythe. Ce qui m'a toujours semblé en quelque sorte l'objet même de l'enquête historique. Mon parti pris a été totalement différent. J'ai toujours considéré que le mythe de Venise était en quelque sorte indissociable de l'histoire de Venise et de l'écriture de l'histoire de Venise. Donc j'ai travaillé sur le mythe ou les mythes successifs de Venise comme des objets d'histoire, mais en même temps toujours en faisant ce lien très étroit entre l'histoire et cette projection imaginaire. Je répète, il m'a toujours semblé un peu réducteur, bien sûr, de démontrer que le mythe, et en l'espèce c'était surtout le mythe politique de Venise, était un mythe. Oui, il est évident que les élites politiques étaient, comme ailleurs, corrompues ou incompétentes. Oui, que les tribunaux n'administraient pas la justice de manière aussi exemplaire que les textes le disaient, etc. C'est une entreprise qui est louable, mais qui me paraît tout de même peut-être un peu insuffisante. D'autant, Elisabeth Crouzet-Pavant, que votre démarche pour étudier une ville ne se limite pas à simplement un aspect, et pour utiliser un mot qui est peut-être un peu fourre-tout mais qui est compréhensible, il y a une volonté d'histoire globale, de comprendre la ville sous tous ses aspects, et le mythe en fait partie. Bien sûr, je crois que c'est un peu ma génération qui a été formée de la sorte. Moi je suis une élève de Pierre Toubert, les structures du Latium médiéval, qui sont son grand livre et qui a été le livre vraiment que j'ai lues et relues donnaient comme leçon vraiment de tenter de faire une histoire globale. Et une histoire globale qui doit être sans cesse contextualisée. Mais vous, en étudiant Venise, c'est vrai que vous avez des aspects particuliers qui vous intéressent plus que d'autres, dans le sens que vous êtes spécialisé sur une certaine période. Mais on ne peut pas, en fait, être spécialisé sur une certaine période en regardant Venise. Il faut étendre ça sur un temps beaucoup plus long. Oui, d'ailleurs, c'est même l'objet de la recherche que je suis en train de mener. J'élargis la chronologie. Alors, vous allez jusqu'où? C'est-à-dire, l'élargissement, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, parce que pour Venise, c'est vrai que ville touristique majeure, ville musée aussi, ville un peu figée, ce n'est pas du tout cette Venise-là que vous étudiez. La Venise que vous avez croisée, Elisabeth Crouzet-Pavant, cette Venise là est une ville qui se projette dans l'avenir. Oui, elle se projette dans l'avenir parce que la ville de la fin du 15e siècle a une forme urbaine qui est déjà quasi achevée au 16e siècle, même si la ville est plus peuplée qu'elle ne l'est au 15e. On va encore urbaniser certains confins, corseter de pierre ces nouvelles terres qui ont été bonifiées, gagnées sur la lagune. Mais tout de même, la ville du 15e siècle est une ville quasi achevée. Donc le Moyen-Âge lègue au siècle futur une ville qui est quasiment finie, construite. On résume souvent Venise à une ville du commerce. Et c'est vrai que le commerce est sur le moment, l'utilité, sur le gain. Et donc Venise, malgré tout, avec cette notion essentielle du commerce, se construit comme une cité destinée à s'imposer dans le temps. Elle décline. Comment vous l'expliquez, vous, ce déclin? Mais en fait, moi je considère qu'il y a eu comme des vies successives de Venise. La première vie, c'est vraiment la vie du grand commerce, du commerce international. Mais le XVIe siècle, dont l'image déjà un peu noire de déclin doit, à mon sens, être totalement corrigée, le XVIe siècle voit tout de même le commerce vénitien se poursuivre, même s'il n'est plus, Venise n'occupe plus une place aussi hégémonique qu'auparavant, mais en même temps, il y a une sorte de rebond industriel de la ville qui permet d'avoir certainement une prospérité qui n'a jamais été aussi forte qu'à ce moment-là. Alors, le XVIIe siècle et le XVIIIe marquent bien sûr un certain déclin de la ville, mais en même temps, la dernière vie de Venise, ce sera la vie du divertissement, du carnaval toute l'année, des fêtes, etc. Donc il y a une sorte de capacité à se recréer en quelque sorte dans la longue durée historique. Dans la longue durée historique avec des rebonds sans cesse. Si nous prenons Venise, nous avons Venise vue au XVIe siècle par Shakespeare, mais qui lui-même dans Othello regarde une autre Venise et qui est repris ensuite au XXe siècle par Orson Welles qui fait lui-même son Othello. On a sans cesse des rebonds comme ça dans le temps. Et alors parfois, Orson Welles se trouve à table avec Jeanne Moreau. C'est dans l'émission Vive le cinéma sur la télévision française en mars 1972. Et vous allez écouter ça, Orson Welles et Jeanne Moreau parlent d'Othello, le tournage du film à Venise. Bon, il y a tous les artistes, toute l'équipe, pas d'argent et surtout pas de costume. Nous avons le son, la caméra, le pellicule, le décor, mais pas de costume. Et c'est pour ça qu'il y a deux bobines dans mon film d'Othello qui se passent dans un bain turc. Parce que tu attendais l'argent? Non, pas l'argent, il y a tout le petit. T'as eu qui fait le costume dans la... comme Mogador. Et mais avant l'instant, ils étaient tout nus dans le... C'est une histoire fantastique. Mais moi, je trouve ça formidable, toujours comme les incidents de la vie quotidienne ont une influence directe sur le cinéma. Voilà, comme ça, nous savons que dans le film d'Othello, enfin, dans le film Othello d'Orson Welles, il y a des scènes où ils sont tous nus dans un bain-turc parce que simplement les costumes n'étaient pas arrivés. Jeanne Moreau qui ajoute qu'elle aime ces incidents dans l'histoire. Vous également, Elisabeth Crouzet-Pavant, c'est ça qui est intéressant. L'histoire de Venise est pleine de ces incidents qui expliquent le vécu des gens. C'est l'enquête, en fait, que vous menez. Et ça, on ne peut pas savoir où on va. C'est les archives qui vous donnent ces moments-là. Oui, je pense qu'une des... C'est peut-être en faisant l'enquête sur Torcello, donc je reviens sur ces communautés de la lagune, où j'étais confrontée, en quelque sorte, où j'ai découvert le plus d'incidents. Parce que là, les archives... permettait vraiment de retracer une sorte de vie quotidienne très modeste, au ras de l'eau en quelque sorte, mais en même temps ces archives donnaient une sorte de vie de saveur particulière, puisque vraiment pour la première fois on voyait des hommes se battre le long d'un quai, enfin des petits incidents, des anecdotes, mais qui permettent de saisir dans toute sa, finalement, sa complexité, dans son épaisseur humaine, une communauté, bien plus que d'autres archives, je pense, ne permettraient de le faire, avec une autre façon de faire de l'histoire sociale. C'est ça, une histoire vraiment au ras de l'eau. Au ras de l'eau, au ras de l'humain aussi, parce que c'est ça qui est au cœur de votre démarche, Elisabeth Crouzet-Pavant. Mais une question me vient quand j'entends que vous voulez être proche des gens, avec une volonté de comprendre l'histoire sociale de Venise qui vous oblige à comprendre l'histoire urbaine, qui vous oblige à comprendre l'histoire économique et l'histoire administrative et politique, et la nécessité de consulter beaucoup d'archives, car Venise a produit beaucoup d'archives. Quelle est la limite, en fait, de compréhension d'une ville aussi vaste qui a laissé autant de traces et autant d'images? Je ne sais pas, parce que j'ai quand même consacré beaucoup, beaucoup d'années de ma vie à travailler sur Venise. J'ai passé beaucoup d'années dans les archives, avec en plus cette volonté de n'avoir aucun parti pris documentaire, c'est-à-dire de prendre pratiquement tout ce que je pouvais prendre, de lire tout ce que je pouvais lire. Et je crois que c'est la seule façon d'essayer d'appréhender le moins mal possible l'objet que j'étudiais. Cela dit, en même temps, je suis bien persuadée je n'ai moi aussi construit qu'un artefact, une des histoires possibles de Venise. Mais une histoire étayée qui s'appuie sur vos recherches, Elisabeth Crouzet-Pavant, avec, je suis sûr, la volonté, au-delà de faire une histoire de Venise sur un temps très très long jusqu'à aujourd'hui, l'idée de vous dire, mais je sais que là-bas, il y a encore sans doute des domaines à explorer, des fils à tirer. Vous avez envie de les tirer encore, ces fils-là? Bien sûr, c'est toute le bonheur du métier d'historien, que d'avoir sans cesse de nouveaux sujets, de nouveaux terrains d'enquête possibles. Et alors, sur Venise, le sujet n'en finit pas et le terrain d'enquête est parfois inondé. C'était le cas, mais je pourrais presque dire tous les ans ou au moins une grosse fois par décennie. Mais là, c'était le cas en novembre 1966 sur l'ORTF. Venise, ce fut pendant 48 heures des îles parmi les îles. Les palais, les églises et les ponts devenant chacun un Venise autonome. Subissant l'outrage sans faiblir, prêt à survivre pour témoigner seul de la République, la vraie, celle de Venise. Pour la première fois, en effet, un ouvrage de la République a failli céder. La digue de Palestrina, le bastion des doges consolidé par Napoléon pour la première fois en 1000 ans et en certains points, n'a pas résisté à la tempête. Longue de 5 kilomètres, véritable forteresse de la cité avec le Lido, c'est ici que les habitants, des pêcheurs, ont le plus souffert. L'Adriatique a traversé leurs maisons, leurs jardins et leurs champs pour s'engouffrer dans la lagune. Venise inondée en 1966, Elisabeth Crouzet-Pavant, Venise que vous connaissez très bien, vous la connaissez très bien d'aujourd'hui, vous la connaissez aussi dans le passé. Quelle émotion ça provoque chez vous de voir ces images qui sont impressionnantes, étonnamment qu'on a déjà vues de Venise inondée? Oui, le problème c'est l'acqua alta terrible qu'il y a eu il y a quelques semaines, alors qu'il y avait déjà eu une aqua terrible l'année dernière. Donc les grandes inondations tendent à se multiplier. J'ai beaucoup travaillé sur l'environnement, sur la lagune, sur les travaux de défense, pour montrer justement que l'environnement avait aussi une histoire et que la défense du milieu lagunaire avait aussi une histoire. Ce qui me paraît tout à fait préoccupant, c'est qu'actuellement, non seulement les travaux de protection du Meuse ne sont pas capables de protéger le bassin des lagunes, mais qu'en outre, ils ont plutôt contribué à accentuer le phénomène de l'inondation, hein, et le recreusement en particulier des passes littorales pour permettre la circulation des grands bateaux de croisière accentue le phénomène de l'acqua alta, le phénomène de l'inondation. Et Pellestrina, qui était cité il y a un instant, a de nouveau beaucoup souffert lors de la dernière acqua alta. Donc il y a là quand même des événements tout à fait inquiétants. Et alors que les hommes, à l'époque médiévale et moderne, ont réussi à sauver le bassin des lagunes par des interventions absolument continuées, et avec des moyens techniques évidemment beaucoup moins importants qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser la question si les hommes du XXe et du XXIe siècle, eux, seront capables de sauver la lagune ou au contraire contribueront à sa perte. Et on a plutôt pour l'instant l'impression que le bassin des lagunes est condamné. On a l'impression que le bassin des lagunes est condamné. C'est sombre comme conclusion, Elisabeth Crouzet-Pavant. Je voudrais juste terminer cette émission en évoquant votre dernier livre, parce que le titre est très fort, c'est « Décapité ». E.E.S. Trois femmes dans l'Italie de la Renaissance. D'étudier Venise vous conduit à la nécessité de comprendre l'Italie de la Renaissance. Et là, vous croisez trois femmes décapitées. Qui sont-elles ? Oui, il s'agit de trois féminicides en fait. Il s'agit de trois femmes qui ont été les femmes de trois des grands princes italiens de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, qui toutes les trois donc ont été décapitées sur l'ordre de leur mari en un peu plus de 30 ans. Alors chacune de ces femmes était connue de manière individuelle, singulière, hein, mais en fait personne n'avait jamais étudié ces trois cas ensemble, mis ces trois destins en série. Or, évidemment, ce n'est pas un hasard si trois femmes sont décapitées, alors que ce n'est pas du tout un sort réservé aux femmes adultères, c'était leur cas. Ce n'est pas un hasard si ces trois femmes sont décapitées en un peu plus de trois décennies. Elles avaient un peu de pouvoir. Elles avaient du pouvoir. Et ça ne passe pas, même dans l'Italie de la Renaissance, où aujourd'hui encore on sent qu'il y a des mouvements qui bloque encore. Mais bon, voilà, tout doucement, en le disant, Elisabeth Crouzet-Pavant, on fait avancer les choses. En tout cas, merci beaucoup pour ce voyage dans l'Italie de la Renaissance, ce voyage à Venise, décapiter trois femmes dans l'Italie de la Renaissance, le Moyen-Âge de Venise, des eaux salées au miracle de Pierre. Merci, Elisabeth Crouzet-Pavant. Merci à vous. Il est l'heure désormais, dans le cours de l'histoire, de retrouver le journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, retour sur la Passion cathédrale. L'année a été marquée par l'incendie de Notre-Dame, considérée comme la cathédrale de référence à l'échelle mondiale. Et avec ce désastre, s'est imposé un débat sur les usages de ces lieux et sur le sens qu'on leur donne aujourd'hui, des siècles après leur conception. Le septième volume de l'histoire dessinée de la France revient sur l'invention des cathédrales et leur rôle dans la construction de l'État qui deviendra bien plus tard la France. Nos guides, pour l'occasion, représentent deux rapports à l'histoire et deux générations. La première, une jeune femme scénariste qui nourrit un goût de l'histoire critique, dont le doute revendiqué stimule l'imaginaire, et un érudit féru de vieux papiers qui chérit ses certitudes. Deux regards qui font alliance et sautent littéralement dans le Moyen-Âge pour dépoussiérer ses récits et ses grands totems. Comment raconter l'histoire médiévale et en souligner les enjeux ? En proposant une histoire des possibles, un roi d'Angleterre aurait pu être français si Aliénor d'Aquitaine n'avait pas divorcé en 1152. C'est vraiment une plaie, ce Louis. Même le pape, il est plus rigolo. Non mais sérieux, il est pire qu'un moine, ce mec. Nous, dans le sud, on aime la fête, la vie, le vin. On n'est pas obsédé par la religion, là, comme tous ces dépressifs du Nord. À travers la géopolitique dense du Moyen-Âge, l'historienne Fanny Madeline construit le récit d'une monarchie qui étend ses pouvoirs en se débarrassant progressivement des duchés rivaux. Parallèlement, c'est aussi le moment où l'Église étend son influence sur la société en christianisant la morale et la vie quotidienne, de l'hygiène aux croisades, et s'octroie le monopole de la vérité spirituelle qui justifie les croisades en Terre Sainte ou à domicile, notamment contre les albigeois. On peut aussi démontrer sa foi par la force au coin de sa rue quand il y a moins de sarrasins à combattre au loin. Les mentalités ne sont pas pour autant dépourvues de merveilleux. Chrétien de Troyes invente le roman arthurien et Richard Cœur de Lion se persuade d'être le descendant de la fée Mélusine, tandis que la figure de Robin des Bois y puise sa légende. We're men in tights. We roam around the forest looking for heights. We're men in tights. We run from the rich and give to the poor, that's right. La présence du surnaturel et des récits de légendes cohabite avec un christianisme renforcé qui contribue aussi à la consolidation de la dynastie capétienne. La succession par le sang s'impose et on ne boute pas de pouvoir compter dans son arbre généalogique sur un saint ancêtre. C'est pourquoi Philippe le Bel fait canoniser son grand-père, Louis IX, devenu Saint-Louis en 1297. Pour sacraliser la dynastie, il faut aussi un décor, de même que pour imposer la présence de l'Église dans l'espace visuel. L'art français, que l'on appellera plus tard gothique, inspire toute l'Europe. C'est pourquoi, s'il nous reste de cette période la honte et le scrupule, nous en gardons aussi ces églises et ces cathédrales. C'est justement la mère de toutes les cathédrales qui se raconte dans le documentaire animé d'Emmanuel Blanchard, Notre-Dame, l'épreuve des siècles. Combien de fois j'ai failli disparaître ? Pour chaque fois, me relever. Je suis Notre-Dame de Paris, et voici mon histoire. On suit l'élaboration centenaire de Notre-Dame, mais aussi les erreurs de conception, les financements en souffrance, les inventions pour la préserver des éléments comme les gargouilles que nous aimons tant et qui ont la charge cruciale d'éloigner l'eau de ses murs pour épargner l'édifice des meurtrissures du ruissellement. On suit également les revers de gloire de la vieille dame, construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, dont l'architecture n'est plus au goût du jour à l'époque moderne. Jusqu'à ce que Victor Hugo la double de son monument de papier au XIXe siècle, en lui offrant une nouvelle heure de gloire et le Moyen-Âge avec elle. Merci Anaïs, on retrouve toutes les références de la bande dessinée Croisades et cathédrales et du documentaire animé sur la page du journal de l'Histoire, franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Camille André, Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès. Demain, nous parlerons d'un esclave. Un esclave qui devint millionnaire, mais qui est mort dans la misère. Un destin de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Il s'appelait William Ellis. Toutes ces émissions peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et puis, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Un groupe où nous causons en préparant le réveillon, que je vous souhaite excellent à toutes et à tous.